Section 15 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e. Section 15. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages. Par Adolphe Burdeau. Chapitre 4, suite. On était là, heureux de se reposer, quand sur l'autre rive apparurent des indigènes chargés de sel. Ils furent à tel point effrayés de trouver une caravane cachée en ces lieux, que lâchant leur fardeau, ils s'enfuirent à toutes jambes. Leurs cris menaçant d'attirer les gens des villages voisins, Stanley fit à l'instant lever le camp, et l'on se remit en route pour ne s'arrêter que beaucoup plus loin, dans une jungle épaisse, où l'on passa des heures d'angoisse mortelle jusqu'à la nuit. Lorsque la colonne s'ébranla de nouveau, un incident faillit tout gâter. On passait en silence autour d'un gros village, quand, prise de terreur, la femme d'un des Ascaris, une tête faible, se mit à pousser des cris perçants. On se sentit trahi. Déjà des porteurs affolés avaient jeté leur fardeau et s'apprêtaient à fuir. Et la femme criait toujours, sans nul motif, par affolement. « Faites la terre ou nous sommes perdus !» dit le guide à Stanley. Elle n'en cria que plus fort. Son mari, livide de colère, tira son sabre et demanda la permission de la tuer. Un signe de Stanley, et elle était morte. Il fallait agir pourtant, et vite! Arrêtant le bras du mari, Stanley, un fouet à la main, dit à la femme. « Vous tairez-vous ? » « Non !» Il la frappa, puis renouvela la question. Même réponse. Il la frappa de nouveau, ses cris augmentèrent. Les coups tombèrent drus comme grêle, plus vigoureux, plus pressés. Alors la folle s'arrêta. On la bâillonna pourtant, on lui attacha les mains. Les fuyards revinrent, et l'on se hâta de quitter ces lieux, le cœur serré, l'esprit en proie aux craintes les plus vives. Quand le jour parut, on continua de marcher. Les heures s'écoulaient, et l'on avançait sans fin ni cesse. Franchissant les grandes vagues de terre sous un soleil torride, s'arrêtant à peine quelques instants pour préparer une nourriture qu'on avalait en silence. Les provisions diminuaient, elles allaient manquer, et l'on ne pouvait songer à rien acheter dans un de ces villages de Loua. Le lendemain, 6 novembre, la caravane quitta sa retraite, 2 heures avant le jour, et traversa une grande forêt dans la direction du nord-ouest. Les chèvres avaient été muselées, de peur que leurs bêlements ne vinssent à trahir la marche de la colonne. Ce jour-là, une méprise faillit encore tout compromettre. Au moment où le ciel commençait à blanchir, le guide, trouvant un grand sentier battu, se crut hors de Louha et jeta un cri de joie que tous les hommes répétèrent. Déjà, l'on pressait le pas, l'on avançait avec vigueur, quand soudain apparut une bourgade ennemie. Le silence fut réclamé et la bande s'arrêta. De concert avec le guide, Stanley ordonna de tuer les chèvres, d'égorger les poulets et de traverser hardiment le village où tout sommeillait encore. Cela fait, on devait se jeter dans la jungle. La colonne défila sans encombre, mais au moment où Stanley, resté à l'arrière-garde, franchissait le seuil du hameau, un indigène sortit de sa case et jeta un cri d'alarme. Heureusement, il ne fut pas entendu des porteurs, sans quoi la panique se fût mise dans leurs rangs et tous eussent certainement jeté bas leur fardeau. Stanley, croyant être poursuivi, fit activer la marche et se tint en arrière, prêt à arrêter les assaillants. Mais par une chance providentielle, soit qu'ils eussent perdu du temps à s'armer, soit que la trace de la caravane fût effacée, les indigènes ne purent rejoindre la colonne. 2 heures après, un ruisselet était passé. La frontière de Louha était franchie, on était dans Lukaranga. Des cris de joie folle saluèrent cet événement, on était sauvés. À présent, la route semblait facile, unie, on ne ressentait plus la fatigue. Et qu'importaient les obstacles qu'on avait rencontrés, les forêts, les montagnes, les fourrés épineux, les marées pestilentielles, les cris sinistres, les clameurs sauvages, c'était passé tout cela. Un jour encore, et l'on allait atteindre le grand lac. Plus qu'une nuit à passer, et Stanley allait voir l'homme à la barbe grise. Le 10 novembre, 236e journée depuis le départ de la côte, la caravane cheminait allègrement par une matinée radieuse. Le temps était superbe, l'air frais et le ciel souriant. Les bois profonds semblaient avoir revêtu leur plus beau vert. L'eau du Moukti, se précipitant sous la frange d'émeraude qui borde ses rives, semblait défier les marcheurs à la course par son bruyant murmure. Chacun était aussi pimpant, aussi heureux que le jour où l'on avait quitté Zanzibar, et cela paraissait vieux d'un siècle. On avait vu et subi tant de choses depuis. La route suivit d'abord une colline fourrée de bambous, puis un ravin où grondait un petit torrent tumultueux. Ensuite, une autre colline, un sentier au flanc d'une rampe, encore 2 heures de marche, et au bout de cela, le guide a assuré que, du haut de cet escarpement qui cache l'horizon, on verra le lac. On presse le pas, la rude montée est gravie sans reprendre haleine, le sommet est gagné. Enfin, là-bas, une lueur, un miroitement luit entre les arbres. En face, une chaîne de montagnes sombres. On dirait d'une muraille noire lavée d'azur. Puis au loin, l'immense nappe d'argent bruni, sous un vaste dais d'un bleu limpide. Pour draperie, des monts audacieux. Pour crépine, des forêts de palmiers. Hurrah, Tanganyika ! Et toute la bande gambade, rit, pleure de joie. Et Stanley, debout, sous les plis de son drapeau déployé, se découvre et vers le ciel fait monter une prière de gratitude et de joie. Ceux-là qui ont accompli de grandes choses connaissent ce sentiment profond qui inonde l'âme en face du succès conquis, et ce besoin d'en remercier Dieu. À 11 heures, après avoir gagné l'épais ruban de Matete, qui borde la rive du Liuke, l'expédition arrivait au milieu des jardins d'Ujiji, merveilles de végétation, avec leurs gracieux palmiers, leurs carrés de légumes, et leurs habitations que bordent de frêles palissades de roseaux. Quelques pas encore, et l'on est en vue du port. Ainsi, la distance, les forêts, les montagnes, les épines qui ont meurtri les pieds, les plaines arides qui les ont brûlées, le ciel en feu, les marais, les déserts, la faim, la soif, la fièvre, tout a été vaincu. Le but est atteint. « Kirangozi !» cria Stanley. « Portez haut la bannière de l'homme blanc, qu'à l'arrière-garde flotte le drapeau de Zanzibar. Serrez la file, et que les décharges continuent jusque devant la maison du vieux Musungu. » « Maître, répondit le guide, j'aperçois le docteur. Comme il semble souffrant et âgé !» Le cœur de Stanley battait à se rompre. Que n'aurait-il donné pour se trouver dans un coin de désert, où en ce moment-là, sans être vu, il aurait pu se livrer à quelque folie, se mordre les mains, faire une culbute, fouetter les arbres, donner enfin libre carrière à la joie qui l'étouffait. Mais comment laisser paraître son émotion ? Livingstone est un Anglais, un homme froid et rigoriste peut-être. De quel front accueillera-t-il un nouveau venu qui lui est inconnu ? Tout en faisant ses réflexions, Stanley avançait lentement. Il vit alors Livingstone et sa pâleur le frappa. Il aurait voulu courir à lui et l'embrasser. Il se contint et, s'approchant son chapeau à la main, « Le docteur Livingstone, je présume » fit-il. « Oui, » répondit le vieillard en soulevant sa casquette. « Je bénis Dieu qui m'a permis de vous rencontrer. Et moi, je suis bien heureux de vous recevoir. » La glace était rompue, et dès lors un phénomène étrange se dessina. Jusqu'au moment où il était entré en rapport intime avec Livingstone, Stanley n'avait pour celui-ci aucune affection. Il ne voyait en lui qu'un but, un article de journal, un sujet à offrir aux affamés de nouvelles, un homme enfin qu'il cherchait par devoir, par métier, et contre lequel il avait une défiance instinctive, car on dépeignait Livingstone comme un affreux misanthrope. Mais quand il l'eut vu et écouté, quand ce vieillard, presque un martyr, lui eut fait le récit de ses misères, de ses déceptions, de ses angoisses, le sceptique reporter se sentit attiré vers cet homme illustre, et lui qui avait parcouru les champs de bataille, vu des révoltes, des guerres civiles, des massacres, lui qui s'était tenu sans broncher auprès des suppliciés pour noter leurs convulsions dernières et leurs derniers soupirs, Stanley fut ému, et il s'attacha à Livingstone par les liens d'une affection réelle, que depuis l'on retrouve dans presque tous ses récits et ses actes. C'est en compagnie de Livingstone qu'il explora la côte nord-ouest du lac Tanganyika, dont aucune description ne peut rendre les merveilleuses beautés. Pour fond de tableau, une rangée de montagnes revêtue d'une herbe d'un vert éclatant d'où s'élèvent de grands bois. Cette muraille de granit plonge ses flancs abrupts jusqu'au fond du lac, où elle projette des promontoires. À chacune de ses pointes, ce sont de nouvelles surprises. Dans chacun de ses plis, on découvre un ravissant tableau, des bouquets d'arbres couronnés de fleurs, d'où s'exhalent des senteurs d'une suavité indicible. Les contours de ce lac magnifique sont d'une variété infinie. Ils forment des pyramides, des cônes tronqués, des tables rases, des toits pareils à ceux des églises, des coupes unies et gracieuses, des crêtes déchiquetées et sauvages, scènes changeantes, à la fois élégantes et grandioses, qui arrachent des cris d'admiration. Puis ce sont des hameaux de pêcheurs enfouis dans des bosquets de palmiers, de bananiers, de figuiers du Bengale et de mimosas, bosquets entourés eux-mêmes de jardins et de petits champs de maïs, dont les épis luxuriants regardent l'eau transparente où se mirent les cimes qui leur servent d'abri contre la tempête. Partout, des pirogues nageant joyeusement au long du ressac. De ça et de là, couchés indolemment sur la grève, des pêcheurs tout nus suivent de l'œil les canaux qui se glissent devant eux. Des enfants s'ébattent dans l'eau sans crainte des crocodiles, qui du reste ne sont communs qu'à l'embouchure des rivières un peu importantes. C'est au cours de ses explorations qu'il fit avec Livingstone que Stanley conçut le projet de son grand voyage à travers l'Afrique. Voyage qui lui fit découvrir le Congo et qui mit plus tard l'apogée à sa gloire. Il recueillit de la bouche du vieil explorateur de précieuses indications à cet égard, car les Arabes, au milieu de qui vivait Livingstone, lui avaient maintes fois déjà signalé cette grande artère fluviale qui traverse l'Afrique équatoriale et dont aucun Européen n'avait encore révélé l'existence. Un instant aussi, Stanley espéra que, sollicité par lui, Livingstone consentirait à revenir en Europe, où on l'attendait avec tant d'impatience. Mais à toutes ces instances, le vieillard opposait la même réponse. « Je serais assurément bien heureux, oh oui, de revoir mes enfants, ma famille et mes amis. Mais il faut auparavant que j'achève ma tâche. » Il faut que je détermine les sources du Nil. » Toutefois, il se décida à accompagner Stanley jusqu'à l'Unyanyembe, pour y prendre les objets que le consul anglais lui avait envoyés. C'est là, à Tabora, qu'ils se quittèrent. Livingstone pour reprendre la série de ses découvertes, Stanley pour retourner en Europe, et y apporter, avec les lettres de Livingstone, la grande nouvelle qu'il avait retrouvé le grand explorateur sain et sauf au centre de l'Afrique. Fin de la section 15.